Varron est un écrivain latin du 1er siècle avant notre ère. Il est prouvé que si on laisse les enfants encore impubères trop manger et trop boire, ils deviennent lourds, apathiques et sont exposés à tomber dans la langueur et l'abrutissement. Ils grandissent très difficilement et ne peuvent se développer. La plupart des médecins et des philosophes partagent cette opinion qui a été développée par Marcus Varron dans un de ses recueils intitulé « Caton ou de l'éducation des enfants ».